La politique c'est pas marrant, et les politiciens se foutent de nous tout le temps. Pourquoi le monde se tape dessus? Pourquoi le crime paie autant? La politique c'est pas marrant, et les politiciens se foutent de nous tout le temps. Les militaires se font la guerre, les fonctionnaires eux sont pépères, les SDF sont pas à la fête, et le clochard lui boit son pinard. Les militaires se font la guerre, les fonctionnaires eux sont pépères, les SDF sont pas à la fête, et le clochard boit son pinard. L'automobile, elle tue les hommes. Le vélo, c'est un truc de bobo. Le policier me fait flipper. Et déconner, ça c'est ma liberté. L'automobile, elle tue les hommes. Le vélo, c'est un truc de bobo. Le policier me fait flipper. Et déconner, ça c'est ma liberté. Rien ne changera.